goéland, écrit et narré par Mia, alias Miyakusei. Un goéland solitaire vole sur une longue distance à la recherche des siens.